cœur comme une éponge, spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Partout avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. J'étais étudiant, chômeur, babysitter. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans la cuisine. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez viens. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Allez, viens la frangine. Allez viens.